là-bas, la distance, mon frère, on s'en bat. La Val et Marseille, même combat, s'il faut rapper, ok, on est là. Alien ramènera sous nos représentants, on vivra des lots sur l'instru, Guillermo, Hermano, c'est le 1-3, le 5-3, frère, oh. Je ramène du son pour mettre les gars SOS, représente des enchantes avec Hermano, écoute nos prouesses. Assemblée dans ta caisse, à Laval ou MARS, Métri, Mirim, ça c'est normal, donc ici y'a RAS. Tu sois pas d'accord avec l'instru, je suis en accord, tu connais sans redemande encore, pas du rap hardcore mais du rap sensé, ouais. Tu m'écoutes, tu prends une croix, car dans le rap, trop avancé. Big up, Babine, écrit comme c'est ma famille qui m'a balancé. La même ici et là-bas, la distance, mon frère, on s'en bat. La Val et Marseille, même combat, s'il faut rappeler, ok, on est là. Alien ramènera sous nos représentants, on vivra des lots sur l'instru, Guillermo, Hermano, c'est le 1-3, le 5-3, frère, oh. Oh, ma main d'être posée, et crois-moi que le stylo crise de l'écrit, tu refuses. Aujourd'hui, pleurer, frère, moi je te dis, je refuse. Mon cœur, je le dis, Binac, mon refuge. Ouvre tes oreilles, dans ma tête, c'est grabuge. Mon équipe est là, et mes rimes te tacent. Le savoir d'un pas et ma faille te bat. Le savoir est une arme et le sourire est dans l'âme. Je saigne du bonheur depuis que l'amour est une lame. De la pluie d'ici au soleil de là-bas, fier de nos origines, on mène le même combat. Casse aux 53 et alliance fraternelle sur le même sang. Tout ça pour dire à Laval, Marseille ou ailleurs, c'est ensemble. Mon frère, je prends le mic, te casse, c'est la sale équipe. Mon rap frère, t'inquiète, on s'équipe. Pas de tes méniques, vas-y, dis-leur les mots. Qu'on rappe nos vies, qu'on rappe le moins mot. La même ici et là-bas, la distance, mon frère, on s'en bat. La Val et Marseille, même combat, s'il faut rapper, ok, on est là. Alien ramènera sous nos représentants, on vivra des lots sur l'instru, Guillermo, Hermano, c'est le 1-3, le 5-3, frère, oh. Bois les couilles de ta vie, moi je rappe et je vise. Nique sa mère ton avis, moi je parle ma devise et je dévise tous ces vices comme imposé. La feuille est pleine, vas-y écris rap, faut oser. Les bons moments du sang, frère, faut les arroser. La fête suffit qu'une fois, vas-y, envoie le rosé. Je rappe tout le temps, pas besoin de se reposer. Gros, la ligne est parfaite, pas la peine de la reposer. La même ici et là-bas, la distance, mon frère, on s'en bat. La Val et Marseille, même combat, s'il faut rapper, ok, on est là. Alien ramènera sous nos représentants, on vivra des lots sur l'instru, Guillermo, Hermano, c'est le 1-3, le 5-3, frère, oh. La même ici et là-bas, la distance, mon frère, on s'en bat. La Val et Marseille, même combat, s'il faut rapper, ok, on est là. Alien ramènera sous nos représentants, on vivra des lots sur l'instru, Guillermo, Hermano, c'est le 1-3, le 5-3, frère, oh.